Chapitre 44e, samedi soir et dimanche matin. Nous reviendrons un instant sur nos pas pour expliquer pourquoi Frank avait été envoyé à Londres. Malgré le prochain mariage de Béatrice, un vague sentiment de tristesse régnait au manoir. M. Mortimer Gazebee, nonobstant l'échec qu'il avait essuyé, continuait à aller et à venir, à avoir de longues conférences avec le Squire et de plus longues encore avec Lady Arabella. La pauvre Béatrice ne jouissait donc qu'à demi de son bonheur. Son frère lui demandait sans cesse s'il avait vu Mary, et chaque fois elle était obligée de lui répondre négativement. À dire vrai, elle n'osait se rendre chez son amie, car il n'était guère possible qu'elle fût d'accord sur un point essentiel. Mary s'obstinait dans sa fierté, pour ne rien dire de plus, et quoique Béatrice pût lui pardonner d'aimer son frère, elle ne pouvait que la blâmer de l'opiniâtreté avec laquelle elle suivait une ligne de conduite qu'elle ne pouvait, selon Béatrice, que désapprouver elle-même. Sur ces entrefaites arriva M. Gazebee qui déclara au Squire qu'il importait qu'il se rendît à Londres afin de s'y entendre avec certains oracles du barreau. Malgré toute l'éloquence de M. Gazebee, le Squire fit la sourde oreille et promena sa personne dans toutes les directions sauf celle de Londres. Ceci se passait dans la soirée du vendredi, le jour de la dernière visite de Lady Arabella chez le docteur Thorne. La nécessité du voyage du Squire à la grande source de la justice britannique fut naturellement discutée entre Lady Arabella et M. Gazebee. Il vint tout à coup à la pensée de la première que si Frank partait à la place de son père, ce serait un nouveau moyen de le séparer de Miss Thorne. Si elle réussissait à l'éloigner sans qu'il revît Mary, elle pourrait peut-être encore le décider à ajourner, sinon à rompre cet odieux mariage. Il était inconcevable, se disait Lady Arabella, qu'un jeune homme de 23 ans et un jeune homme comme Frank s'obstinât à rester fidèle à une jeune fille qui n'était nullement extraordinaire par sa beauté et qui n'avait ni fortune ni naissance. Il fut donc décidé, avec le plein consentement du Squire, que Frank partirait pour Londres à la place de son père. À son âge, il était possible de lui représenter comme une chose désirable, sinon nécessaire, de rester 10 jours entiers à Londres, en allant d'une étude d'avocat à une autre, et pour recueillir les lieux communs de ces savants interprètes de la loi. Le Squire avait fait plusieurs visites à Maître Slow et Bideawhile, il savait à quoi s'en tenir. Frank n'y était pas encore été, aussi donna-t-il facilement dans le panneau. M. Auriel devait aussi se rendre à Londres, et c'était une autre raison pour y envoyer Frank. M. Auriel avait des affaires importantes dont il était urgent qu'il s'occupât avant son mariage. Ces affaires importantes consistaient-elles à aller chez son tailleur, à acheter une alliance ou tout autre présent plus coûteux pour Béatrice? C'est ce dont nous ne nous informerons pas.